Alors ce qu'on va faire en fait, là on a des collègues qui vont sortir. Il y a la relève qui arrive, on va les laisser rentrer pour pas que, pour que les collègues qui sont qu'on fait leur nuit là avec sur l'hôpital puissent rentrer chez eux, se reposer. On va faire une diff, donc une diff quand même, on leur donne du tract avant qu'ils partent ou qu'ils rentrent. Et donc c'est un tract sur les retraites et les violences policières. On a eu un blessé chez nous. Donc voilà. On communique avec les collègues parce que nous, on a un petit souci aussi de motiver les collègues à aller à sortir un petit peu là. Avec la bagarre qu'on a fait, je pense que vu la remise en cause de notre protocole et tout, je pense qu'il y a aussi ça, comme je disais tout à l'heure. Mais bon, il y en a aussi qui ne sont pas concernés. Il faut leur dire que bon, bah, ils ont intérêt à se bouger pour eux, pour leurs gamins, leurs petits-enfants. J'espère que ce qu'on organise aujourd'hui, ça va motiver des gens. Ça va leur faire prendre conscience qu'il y a aussi bon, des copains qui se battent, qui sont sur le feu, enfin non pas sur le feu, qui sont dans la bagarre depuis plus d'un mois, et qu'on n'a pas le droit de les lâcher. Et puis vive la lutte et jusqu'à la victoire, camarades. D'accord. Bravo. On peut peut-être dire aussi que demain il y a un rendez-vous, je crois que c'est à 5h à la gare de Sotteville, oui. En vue d'une action. Bon, c'est pareil, hein. Plus on y sera, mieux ce sera, quoi. Bonjour. Secteur de l'énergie qui vient soutenir exactement. L'hôpital du Rouvray. Ouais. Je prends du son pour un collectif de radio associative qui participe à la lutte. Donc l'énergie, le secteur de l'énergie est en lutte depuis le 5 décembre, comme bon nombre de secteurs. De son côté, on fait beaucoup d'actions aussi. Là, on a fait un secrétariat pas plus tard qu'hier après-midi pour voir ce que l'on fait jusqu'à la fin de la semaine, vendredi inclus. On participe bien sûr à toutes les actions de l'interprofessionnel. Et aujourd'hui, et ce matin plus particulièrement, on vient en soutien au centre hospitalier, d'autant que j'ai encore entendu en venant qu'il y avait 1000 médecins qui proposaient de donner leur démission de l'hôpital, du secteur de l'hôpital public. C'est vrai que l'hôpital, il est menacé. Et il est en mal-être depuis un bon nombre de temps. Et même déjà ici, je me rappelle, on était venu aussi en soutien en 2018 quand des collègues s'étaient mis malheureusement en grève de la faim pour pouvoir faire reconnaître leurs conditions de travail qui étaient malmenées. Donc c'est pas rien de venir ce matin. Votre prénom, c'est quoi ? Eric. Merci Eric. Bonjour. Les gilets jaunes sont là le matin ? Oui, de bonne heure, de bonne humeur. Voilà, sur tous les blocages, sur toutes les actions ? Partout. On est solidaires. On a besoin. Hein. Vous étiez sur le rond-point des Vaches ? Vous faites partie des gilets jaunes du rond-point des Vaches ? Oui. Le fameux rond-point à Rouen, enfin à Saint-Étienne-du-Rouvray, oui. Qui a été tenu pendant super longtemps. Et qui est toujours tenu. Il y a des belles bagarres avec les flics régulièrement quand même pour qui évacuent et puis c'est réinvesti. Eh oui, malheureusement. On est là pour... Ils nous ennuient sans arrêt, quoi. Il faut qu'on dégage. On les gêne. Mais on reste là. On lâche rien. Puis il y a des beaux blocages qui ont été réussis là-bas parce que rond-point des Vaches, pour expliquer aux gens qui sont à l'extérieur, c'est sur un boulevard industriel, un gros boulevard. En fait, il y a beaucoup de passages. Voilà, et plein de camions. Voilà, plein de camions, donc quand on bloque, on bloque. Ouais. Et puis c'est l'accès à l'autoroute aussi, du coup. Aussi, ouais. Donc c'est le rond-point idéal, quoi. Votre prénom, c'est quoi ? Jocelyne. Et Jocelyne, vous, est-ce que vous voulez parler de pourquoi vous vous mobilisez, pourquoi vous êtes gilet jaune et tout ça ? Bah, je me mobilise parce que tous nos acquis partent au fur et à mesure. Le pouvoir d'achat, c'est plus possible. Et la retraite qu'ils veulent nous donner, là, non. Possible. Non plus. C'est la goutte d'eau. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles et ça suffit, quoi. Gouvernement qui est, comment dire, ils sont tous avec des casseroles aux fesses, je dirais, et c'est eux qui veulent nous donner des leçons et ça, c'est insupportable. Voilà. Donc je suis là, motivée, pour aller jusqu'au bout. Merci. De rien. C'est quel... C'est un collectif de radio associative à Centrale qui participe à la grève. D'accord. Et donc on y participe avec nos outils, c'est-à-dire la radio. Voilà. Bon. On fait du son, on relaye les luttes. Ok, d'accord. Merci.